l'ingéniosité agile et variée qui erra si longtemps, après qu'il eut renversé la citadelle de Troie. Et il vit les cités de peuples nombreux, et dans son cœur, et il connut leur esprit. Et dans son cœur, il endura beaucoup de maux. Chante, déesse, puisqu'il faut mourir, la colère désastreuse d'Achille. J'affronterai cette épreuve. La vraie vie des héros de l'Antiquité. En partenariat avec Le Point, Julia Sissa. Jason le Bellâtre. Tout commence par un faux pas. Un jeune homme traverse un fleuve. Il s'enfonce dans la boue, il y laisse une chaussure. Ce serait un accident sans importance si ce n'était que ce malheureux voyageur, Jason, fils d'Ezon, est en route vers la demeure de son oncle Pélias, le roi d'Iolcos en Thessalie. Or, comme par hasard, Pélias a reçu un oracle bizarre. Qu'il fasse attention à l'homme chaussé d'une seule sandale. Il lui prendra son royaume. Lorsque Jason fait son apparition sur le seuil du palais, Pélias comprend. Le challenger qu'il doit craindre est arrivé. C'est le fils de son demi-frère. C'est donc en s'embourbant que Jason fait son entrée dans la vie héroïque. C'est plutôt mal parti car Pélias n'a pas l'intention de lui céder la place. Pour se débarrasser du neveu, il va lui lancer un défi chimérique. Il le charge d'aller chercher un objet rarissime, unique même, le pelage d'un bélier merveilleux qui a été sacrifié à Zeus. Quand il était en vie, ce bélier avait des ailes, donc il pouvait vous transporter dans les airs. Sa peau lainée brille de tous ses feux. C'est la toison d'or dont tout le monde sait qu'elle est inatteignable. Un roi barbare, Éétès, l'a reçu en cadeau. Il la garde précieusement dans un bosquet consacré au dieu de la guerre, Arès, en Colchide, au bord de la mer Noire. Par sécurité, il la fait surveiller par un dragon qui ne s'endort jamais. Apollonius de Rhodes, un poète épique qui vécut au IIIe siècle avant notre ère, raconte les aventures de Jason dans un très long récit en vers, Les Argonautiques. C'est une sorte de remake de l'Odyssée, le grand poème d'Homère, celui qui dit le retour d'Ulysse après la guerre de Troie. Le titre, Les Argonautiques, fait allusion au nom du navire Argo, sur lequel Jason s'embarque avec un groupe de héros grecs qui prêtent leur concours à sa quête. Parmi eux, il y a le poète légendaire Orphée et l'invincible Héraclès. Pour mettre la main sur la relique resplendissante et cachée, le prince aux pieds nus s'engage dans une entreprise si difficile qu'il risque de périr. C'est précisément ce que son oncle souhaite. Jason et tous les Argonautes sont voués à l'échec. Pélias s'attend à ne plus jamais les revoir. Vœux pieux. Contre toute attente, le novice réussit un exploit après l'autre. Ainsi, dans une série de triomphes inattendus, l'histoire avance malgré le destin funeste d'un héros bancal qui était censé disparaître tout de suite. Voyages, rencontres, coups de foudre, monstres et batailles, cela n'arrête jamais et chaque nouvel épisode est tout aussi palpitant. Ce tempo narratif définit la vraie vie d'un héros. Quelques grands récits de la mythologie grecque se ramifient de manière virtuellement infinie à partir de situations analogues. En l'occurrence, un mâle dominant va mettre à l'épreuve un rival dans la fleur de l'âge. Celui-ci n'a aucune chance, mais il relève le défi et s'élance au péril de sa vie. Cette audace intrépide définit le héros dans son corps et dans son caractère, car le mot grec pour « courage », « andreia », signifie « virilité ». C'est la vertu genrée par excellence. Pour être lui-même, c'est-à-dire vaillant, un héros doit être jeune au masculin. Il doit échapper à la mort par des succès répétés et toujours improbables. Un héros, par conséquent, est mortel au sens fort du mot. Il est toujours sur le point de mourir. Il ne recule pas, il va vers la mort. C'est un scénario qui se prête à bien des variantes. Eurysthée oblige Héraclès à accomplir ses travaux. Acrisios met Persée au défi de décapiter Méduse. Le dieu Poséidon condamne Ulysse à l'Odyssée. L'héroïsme est souvent un duel. À chaque bête invincible, à chaque obstacle infranchissable, à chaque adversaire tout-puissant, le héros se bat contre son véritable antagoniste, le vieux qui s'acharne sur lui, dans l'espoir de l'anéantir. Le jeune se projette ainsi résolument au-delà de sa peur pour sauver sa vie. Il ne vit pas, il survit. Envoyé par Pélias, Jason poursuit la fabuleuse Toison d'or. Ne se dressent devant lui que des ennemis exceptionnels, surnaturels, formidables. Voici les géants à six bras, d'une force prodigieuse dont deux sont suspendus à leurs épaules et quatre sont attachés à leurs larges flancs. Comment s'en défendre? Voici le dragon insomniaque. Comment l'endormir? Voici deux taureaux aux sabots d'airain et aux mandibules lance-flammes. Comment les atteler? Des guerriers super-armés poussent comme des plantes et se déchaînent entre eux. Comment se sauver? Tous ces corps absurdes incarnent l'impossible. Des hybrides surdoués, technologiquement modifiés, esthétiquement terrifiants, font irruption dans un monde hyper-réaliste et fantastique. Dans ce monde, il va de soi que des êtres vivants puissent être accessorisés avec de l'or et du bronze, que les dieux puissent faire l'amour avec les humains et que des monstres puissent surgir à tout instant. La mythologie grecque est aussi un jeu vidéo. Jason gagne à tous les coups. Il y a des raisons particulières à sa longévité. Tout d'abord, il joue en réseau. Ses compagnons, les Argonautes, forment une armée redoutable. Mais surtout, Jason rencontre des femmes. Elle tombe amoureuse de lui et lui prête secours. Car il faut préciser que ce jeune homme est divinement beau. Dans la langue baroque d'Apollonius de Rhodes, il dit et s'avance à grands pas hors du palais. Tel qu'on voit Apollon dans l'île de Délos, à Delphes, à Claros ou dans les plaines de la Lycie, sur les bords du Xanthe. Lorsque sortant de son temple parfumé d'encens, il paraît aux yeux des mortels. Tel Jason marchait à travers la foule du peuple, qui faisait retentir l'air de ses acclamations. Si la toison flamboyante éveille le désir, Jason, à son tour, rayonne. Un beau jour, le navire Argo jette l'ancre près de l'île de Lemnos, où les femmes avaient exterminé tous les hommes quand ceux-ci les délaissaient au profit de leurs captives. La fille du roi, Hypsipyle, règne sur ce peuple de jalouses. Jason s'apprête à lui rendre visite. Il s'habille d'un ample manteau, œuvre de la déesse Athéna, qui est une vierge guerrière, mais aussi une adroite technicienne. Imaginons une tapisserie d'Aubusson. Zeus, Aphrodite, Apollon, les Cyclopes, la course des chars où s'illustre Pélops, des paysages, des combats et même le bélier ailé de Phrixus, encore bien vivant, avec sa belle laine dorée sur le dos. Ce manteau est tout un monde visuel, un poème dans le poème. Écoutons. Le héros se revêtit d'un ample manteau, ouvrage d'Athéna, qui le lui avait donné lorsqu'elle travaillait elle-même au vaisseau et montrait à Argus à en régler les dimensions. Son éclat surpassait celui du soleil. Le fond était rouge et sur les bords, couleur de pourpre, était représenté avec un art infini différents sujets. On y voyait les cyclopes, sans cesse occupés des mêmes travaux, fabriquant un foudre à Jupiter, dont l'éclat éblouissait les yeux. Il n'y manquait plus qu'un rayon, qui déjà s'étendait sous les coups redoublés des marteaux au milieu d'un tourbillon de flammes. On y voyait aussi les deux fils d'Antiope, Amphion et Zétus. Près d'eux s'élevait une ville qui n'était pas encore couronnée de tours. C'était Thèbes, dont il venait de jeter les fondements. Zétus portait sur ses épaules un rocher semblable au sommet d'une haute montagne et marchait avec peine, courbé sous ce fardeau. Près de lui, Amphion, faisant résonner sous ses doigts sa lyre dorée, se faisait suivre par une pierre deux fois plus grande. Vénus y était représentée, la main appuyée sur le bouclier du dieu Mars. Sa tunique détachée tombait d'un côté sur son bras et laissait voir à découvert une partie de son sein, image que répétaient encore les reins polis du bouclier. Plus loin, on aperçoit de gras pâturages au milieu desquels les fils d'Électrion tâchent de repousser les Téléboïens sortis de Taphos pour enlever leurs troupeaux. Une égale fureur anime les combattants. L'herbe est teinte du sang qui se mêle avec la rosée. Mais enfin, le grand nombre l'emporte et les brigands sont vainqueurs. Près de là, deux chars se disputaient le prix de la course. Pélops, accompagnée d'Hippodamie, son amante, fait voler le premier sur l'arène et secoue avec ardeur les rênes de ses chevaux. Le second est conduit par Myrtille. Près de lui, son maître, Œnomaüs, poussant en avant sa lance pour percer son vainqueur, tombe lui-même sur les débris de son essieu brisé. On voyait ensuite Apollon, dans un âge encore tendre, perçant d'une flèche le téméraire qui voulait entraîner sa mère en la tirant par son voile. C'est Titius, fils de Jupiter et d'Hélarè, nourri depuis et enfanté de nouveau par la terre. Enfin, on avait représenté, sur ce manteau, Phrixus prêtant l'oreille au bélier qui semble lui adresser la parole. En les voyant, on est saisi d'étonnement. On croit qu'ils vont parler, et dans cette attente, on ne se lasse point de les considérer. Tel était le présent que Jason avait reçu de Minerve. Il prit ensuite un long javelot, gage d'hospitalité qu'Atalante lui avait donné sur le mont Ménale. Cette jeune héroïne voulait alors marcher elle-même à la conquête de la Toison d'or. Mais Jason l'en détourna, craignant que sa beauté ne charmât les Argonautes et n'excitât parmi eux la discorde. Dans cet équipage, Jason s'avançait vers la ville, semblable à un astre brillant que de jeunes filles voient s'élever sur leur demeure et répandre dans l'air ces feux éclatants qui charment leurs regards. tourmentée de l'absence d'un amant auquel elle doit être bientôt unie, sa tendre amante en conçoit un heureux présage et croit que ce jour va lui ramener enfin l'objet de ses désirs. Les Lemniennes, transportées d'une joie pareille en voyant entrer dans la ville leur nouvelle hôte, se précipitent en foule sur les pas du héros qui marchait gravement et les yeux baissés vers le palais d'Hypsipyle. À sa vue, les portes s'ouvrirent. Semblable à un astre brillant et plus éblouissant encore que le soleil, Jason fait son entrée dans le palais d'Hypsipyle. Il est un tableau vivant, couvert de récits héroïques en technicolore, rouge, pourpre, la scintillante toison d'or est brodée sur son singulier par-dessus. Le jeune homme brille de mille feux, la jeune femme en tombe amoureuse. Il l'abandonne enceinte. Le poète romain Ovide, qui vécut au tournant du 1er siècle de notre ère, écrivit un recueil de lettres imaginaires que des femmes mythiques adressent aux hommes qu'elles aiment. Le titre en est « Héroïde », un mot gréco-latin pour « héroïne ». C'est une œuvre tout à fait exceptionnelle. D'abord, ce sont des femmes qui s'expriment à la première personne. Il s'agit donc d'une sorte d'écriture féminine qui est fictionnelle, bien sûr, mais qui nous montre un Ovide plus ingénieux que jamais, aux prises avec une expérience de ventriloquisme. Lui, le poète du désir masculin, emprunte la voix des femmes. De surcroît, dans cette même mascarade mimétique, Ovide se met dans la peau de personnages qui, au lieu de jouir de leur liaison, souffrent à cause de leurs amants. Lui, le poète des amours ludiques, entre dans le détail du déplaisir amoureux. Ces héroïnes pleurent, regrettent, récriminent. Elles écrivent parce que leur bien-aimé n'est pas là, est parti, ne revient pas. La lettre comble cette distance. Dans les héroïdes, Jason se taille la part du lion car non pas une, mais deux femmes, Médée et Hypsipyle, lui adressent leur plainte. Hypsipyle écrit. Hélas, où est la foi promise? Où sont les droits de l'Hyménée? Où ce flambeau plus digne d'embraser un bûcher? Ce n'est pas un amour furtif qui m'a lié à toi. C'est sous les yeux de Junon qui préside au mariage et de l'hymen couronné de guirlandes qu'il fut consacré. Mais non, ce n'est ni Junon ni l'hymen, mais la triste Érinis qui, tout ensanglantée, l'éclaira de ses torches sinistres. Qu'avais-je à faire aux Argonautes? J'avais résolu d'abord, mais ma destinée m'entraînait, de repousser cette cohorte étrangère à l'aide de mes bataillons féminins. Les femmes de Lemnos ne savent que trop vaincre des hommes. Avec d'aussi courageux soldats, je pouvais défendre ma vie. Je vis le héros dans nos murs, je lui donnais un asile dans mon palais et dans mon cœur. Là s'écoulèrent pour toi deux étés, deux hivers. Le temps de la troisième moisson était venu lorsque, forcé de mettre à la voile, tu m'adressas ces paroles en versant un torrent de larmes. On m'entraîne, Hypsipyle, mais que les destins m'accordent seulement de revenir. Je m'éloigne, ton époux. Je le serai toujours. Tu portes dans ton sein un gage de notre union, qu'il vive, qu'il soit notre enfant à tous deux. À ces mots, des larmes coulèrent sur ton visage trompeur, et je me souviens que tu ne pus en dire davantage. L'Argot te vit monter le dernier de tes compagnons sur son bord sacré. Il vole à travers les flots, le vent a enflé ses voiles, l'onde azurée se dérobe sous la carène qui fuit. Hypsipyle monte au sommet d'une tour et regarde longuement les flots et l'horizon. Mais hélas, le fils volage des ondes, plus inconstant que la brise printanière, ne reviendra plus jamais. Ses promesses, comme celles de Pinkerton dans Madame Butterfly de Puccini, ne valent rien. La princesse de Lemnos, cette belle jeune femme grecque, pourrait chanter. Inter. Giulia Sissa, la vraie vie des héros de l'Antiquité. Car le héros n'a pas de temps à perdre. Il doit reprendre la mer. Prochaine étape, la Colchide. L'argot vogue en direction de la mer Noire en faisant route vers cette région barbare au climat tempéré. Et là, la beauté apollinienne de Jason frappe une deuxième princesse, Médée, la fille du roi Éétès. Dans sa concision habituelle, la bibliothèque du pseudo-Apollodore, un recueil mythographique qui remonte probablement au IIe siècle de notre ère, nous offre un aperçu de la situation qui attend Jason. Ayant franchi le Caucase, les Argonautes atteignent le fleuve Phase en Colchide. Ils amarrent le navire et puis Jason se rend auprès du roi Éétès pour lui demander la fameuse toison. Et Éétès promet de la lui donner, mais à une condition. Jason doit atteler à une charrue deux taureaux. Or, il ne s'agit pas de bovins ordinaires, loin de là. C'est un dieu, Héphaïstos, qui n'a fait cadeau à Éétès. Héphaïstos est un dieu artisan, il est un forgeron boiteux. Décidément, nous suivons le thème du pied défaillant. Un forgeron qui fabrique les armes des dieux et des héros, celles dont s'habille la déesse Athéna, la vierge cuirassée, mais aussi celles que la déesse Thétis commande pour son fils Achille, le protagoniste de l'Iliade. Tous les objets métalliques qui sortent des mains d'Héphaïstos sont magnifiques, éclatants, merveilleux, œuvres d'immortels telles qu'aucun humain n'en peut exécuter. Le dieu façonne aussi quelques robots, des trépieds qui marchent tout seuls sur roulettes, des statues de servantes automatiques. Or, les taureaux qui sortent de l'usine d'Héphaïstos sont bien évidemment suréquipés. Énormes, sauvages, ils ont des sabots de bronze, ils crachent du feu par la bouche. Jason doit transformer un paisible bœuf laboureur, ces bêtes à la fois indomptées et technologiquement augmentées. Et en plus, il doit semer des dents de dragon. Les dents sont aussi un cadeau divin de la part d'Athéna. On sait qu'une fois enfoncées dans la terre, Ses dents donnent naissance à des êtres humains tout armés et farouches. Lisons la bibliothèque. Jason ne sait vraiment pas comment faire pour atteler les deux taureaux. Mais Médée, la magicienne, la fille d'Éthès et de l'océanide Idaea, tombe amoureuse de lui. Et craignant que Jason ne soit tué par les taureaux, elle décide de l'aider et de les atteler en cachette de son père. Et elle lui dit qu'elle s'arrangerait pour qu'il obtienne la toison d'or, à condition qu'il promette de l'épouser et de l'emmener en Grèce avec lui. Jason jure, et Médée lui donne un baume magique avec lequel il doit enduire son épée, sa lance, mais aussi son propre corps avant d'affronter les taureaux. Durant un jour entier, ce baume le rendrait invulnérable au fer et au feu. Puis elle lui révèle que, tandis qu'il sèmerait les dents du dragon, de la terre surgiraient des hommes, tous armés contre lui. Quand Jason les verra regroupés de loin, il doit jeter des pierres au milieu d'eux. Alors les hommes commenceront à combattre les uns contre les autres, et le jeune homme parviendra à les tuer. Jason s'exécute. Il s'enduit avec l'onguent magique, il se rend dans le bois sacré, il trouve le taureau, et en dépit du flot de feu avec lequel il l'assaille, il réussit à les atteler. Puis il sème les dents du dragon et leur jette des pierres. Tout se déroule comme prévu, d'après le script de Médée, sauf que Éthès ne tient pas parole. Il refuse de remettre à Jason l'inestimable toison dont les enchères ne cessent de monter. Il compte aussi brûler le navire Argo et exterminer les Argonautes. Maintenant, Jason n'a pas le choix. Il lui faut attaquer le serpent aux yeux ouverts, gardien de la fourrure. Devinez qui va prêter la main à son exploit. Médée, eh oui, toujours elle, la princesse à la pharmacie bien fournie. Elle donne un bon somnifère à l'animal. Conquête de la toison, départ de Colchos, meurtre du frère de Médée, Apsyrtos. Sa sœur le coupe en morceaux qu'elle jette à la mer, obligeant ainsi son père à s'arrêter pour les collecter. C'est le premier démembrement dont Médée se rend coupable, toujours pour faire plaisir à son adoré Jason. Le voyage continue et devient une odyssée. Orage d'origine divine, changement de route, colère de Zeus, Jason et ses compagnons répètent les étapes d'Ulysse avec ses amis. Les voici chez la magicienne Circé, qui les purifie du meurtre d'Apsyrtos, sur l'île des Sirènes, Charybde et Scylla, autrement dit le détroit de Messine qui sépare la Sicile de l'Italie, un bras de mer toujours en tempête. Enlongeant la Sicile, troupeau du soleil, ils arrivent à l'île des Phréaciens. Ils y sont accueillis par le roi Alcinoos et sa femme Arétée, laquelle encourage Médée et Jason à faire l'amour car son mari menace de renvoyer Médée chez elle si elle est encore vierge. Ensuite, un épisode insolite. À Crète, ils rencontrent un certain Talos. C'est encore une créature métallique, tout en bronze. Encore un cadeau du dieu forgeron, cette fois-ci à Minos, roi de Crète. Toujours d'après le pseudo Apollodore, nous apprenons que le corps de Talos était une autre prouesse technologique d'Héphaïstos, une sorte de prototype d'anatomie futuriste. Il avait une veine unique qui parcourait son corps depuis la nuque jusqu'aux chevilles, et à l'extrémité de cette veine, il y avait un clou en bronze qui la fermait. Talos, en tant que sentinelle, faisait chaque jour 3 fois le tour de l'île. Ayant aperçu le navire Argo qui s'approchait de la côte, il commença à le prendre pour cible avec de grosses pierres. Mais Médée, comme toujours, ne chante pas. Soit elle le rend fou avec une de ses potions, soit elle lui promet de le rendre immortel. Mais ensuite, elle enlève le clou qui ferme sa veine. Le malheureux se vide de son sang immortel. Une autre victime de notre héroïne. Oui, je dis bien héroïne, car ce récit met en scène un héros masculin singulièrement discret. Tandis que le protagoniste de l'Odyssée, tout en bénéficiant de la protection d'Athéna, se tient toujours aux aguets, inventif, ingénieux, rusé. Ulysse, en effet, trouve toujours le moyen de se tirer d'affaire tout seul, une trouvaille après l'autre. Jason, lui, ne fait strictement rien. Le contraste est saisissant. On imagine mal Jason débarquer chez les Cyclopes, des géants cannibales avec un seul œil, et se faisant venir à l'idée d'enfoncer une poutre dans l'œil unique de Polyphème après l'avoir enivré. Cette prouesse d'intelligence rusée, la métisse, est un des moments les plus savoureux de l'Odyssée. Lorsque le navire Argo s'approche de l'île des Sirènes, c'est Orphée, le poète musicien dont le chant charme le monde entier, qui protège les marins de la voix envoûtante et mortifère des sirènes. Ce fut Orphée qui conta les Argonautes, en entonnant un chant plus beau encore que celui des sirènes. Pensons au coup de génie d'Ulysse dans les mêmes circonstances. Il oblige ses compagnons à se boucher les oreilles avec des boules de cire, tandis que lui, il s'expose au chant des sirènes, lié au mât du bateau. Désir de savoir, curiosité et prise de risque, tout en reconnaissant ses limites, nous en sommes toujours fascinés. En bateau avec Jason, en revanche, heureusement qu'il y a Orphée, heureusement qu'il y a Médée. Ulysse est le champion de la présence d'esprit. Jason est un véritable anti-Ulysse. Et finalement, les Argonautes arrivent en Grèce, à Corinthe. Médée et Jason s'installent, ils vivent tranquillement pendant 10 ans. Et puis, coup de théâtre. Jason répète une troisième fois ce qu'il a fait à Lemnos avec Hypsipyle et à Colchos avec Médée. Cette fois-ci, l'élu de son cœur est la fille du roi de Corinthe, une autre princesse. Mais cette fois-ci, son épouse ne le laissera pas faire. Bouleversée et anéantie furieuse, Médée tue sa rivale, mais aussi ses enfants, qui sont les enfants de Jason. Nous entrerons dans le détail de cette tragédie dans la prochaine émission. Pour l'instant, et pour terminer notre croisière sur le navire Argo, laissons la parole au Jason de Pierre Corneille. Corneille, un des plus grands poètes dramatiques du XVIIe siècle, donna sa première tragédie Médée à Paris, au Théâtre du Marais, en 1635. Jason devient un personnage si frivole et si insouciant qu'il sonne presque ridicule. Il prend à la légère la jalousie très sérieuse de sa femme. Décidément, il ne brille pas par son esprit. Tout en sachant que, dans cette version de l'histoire de Médée, Jason finira par se donner la mort, écoutons son badinage. C'est le tout début de la pièce, Jason explique sa situation sentimentale à son ami Pollux. Que je sens à la fois de surprise et de joie. Se peut-il qu'en ces lieux, enfin, je vous revoie ? Que Pollux dans Corinthe ait rencontré Jason ? Vous n'y pouviez venir en meilleure saison. Et pour vous rendre encore l'âme plus étonnée, préparez-vous à voir mon second Hyménée. Quoi ? Médée est donc morte, ami ? Quoi, Médée est donc morte, ami ? Non ! Elle vit, mais un objet plus beau la chasse de mon lit. Dieu ? Et que fera-t-elle ? Dieu, et que fera-t-elle ? Et que fit Hypsipyle que pousser les éclats d'un courroux inutile ? Elle jeta des cris, elle versa des pleurs, elle me souhaita 1000 et 1000 malheurs, dit que j'étais sans foi, sans cœur, sans conscience, et lasse de le dire, elle prit patience. M'aider en son malheur en pourra faire autant. Quel soupir, pleure, et me nomme inconstant. Je la quitte à regret. Mais je n'ai point d'excuse contre un pouvoir plus fort qui me donne à Créuse. Créuse est donc l'objet qui vous vient d'enflammer ? Je l'aurais deviné sans l'entendre nommer. Jason ne fit jamais de commune maîtresse. Il est né seulement pour charmer les princesses et haïrait l'amour s'il avait, sous sa loi, rangé de moindre cœur que des filles de roi. Hypsipyle à Lemnos sur le phase Médée et Créuse à Corinthe,